19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. Restons dans la musique anglophone avec l'un des groupes les plus emblématiques de notre époque. Un groupe britannique, pour être exact. Bon, si vous aviez l'idée que je vous parlerais des Beatles, on va dire que ce sera plutôt pour une prochaine fois. Bon, je vais vous parler de Coldplay, qui n'est plus à présenter finalement. Né à 7 albums studio entre 2000 et 2015, un 8e qui serait en préparation, des millions de fans à travers le monde et un univers bien à eux. C'est quand même Coldplay 60 millions de disques vendus. Personne n'est passé à côté de ce phénomène et encore moins en 2008 avec la sortie de la chanson Viva la Vida. Un titre qui rend un hommage particulier à la France, comme en témoigne la pochette de l'album ou encore le clip vidéo, qui est très inspiré du tableau d'Eugène Lacroix, La liberté guidant le peuple. Une œuvre marquante de notre histoire française pour une chanson marquante de l'histoire de la musique britannique. Et c'est sans plus attendre dans Music and the City. When I ruled the world. Music in the City sur Fadjet. Je suis un fervent admirateur de gros films catastrophes mettant en scène une fin de l'humanité et des bouleversements de notre planète. Pour en citer quelques-uns, comme ça, à froid, des films comme 2012 ou Twister avec les tornades, et bien sûr, Le jour d'après. Dans ce film, un incroyable dérèglement climatique menace toute l'humanité par des températures anormalement négatives un petit peu partout sur le globe. C'est aussi l'histoire d'un père qui recherche son fils. Tout ça mélangé, c'est un excellent film sorti en 2004, dont la bande originale a été traduite en français, ça c'est rare, et interprétée par une toute jeune artiste qui sortait de l'émission Popstar. Bon, alors elle n'a pas gagné cette émission, mais Chimène Badi a quand même embrassé une jolie carrière nationale ensuite. Elle a donc été choisie 2 ans après son passage dans l'émission, donc très rapidement, pour enregistrer la chanson Le jour d'après. Une magnifique ballade qui pousse sa voix justement un peu crescendo. C'était en 2004, souvenez-vous. On portera nos regrets si nous survivons. Souvenir dévasté de notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps où l'on savait si honteux d'avoir eu tort, d'oublier que l'on pouvait. J'ai rêvé la douceur de certains soirs. Évadez-vous sur Fadjet dans Music in the City. Elle embrasse une carrière internationale depuis 2008 et jamais le succès n'avait failli. Et pourtant, depuis la sortie de son 5e album, Witness, l'artiste connaît une baisse importante dans sa notoriété, avec un album qui peine à décoller dans les charts mondiaux. malgré de bonnes critiques à sa sortie et des singles pour le promouvoir qui ont été très bien choisis. On sent un petit peu comme une répétitivité dans Witness, des titres qui se ressemblent vraiment trop. Alors, je m'interroge, Katy Perry serait-elle à court d'idées pour se réinventer ? Bah, c'est possible. Mais l'album renferme quand même de bons titres. Pas tous exploités pour le coup, et on se doit de les faire connaître, et c'est mon devoir aujourd'hui. Comme l'excellent Déjà Vous, que j'affectionne tout particulièrement, je le reconnais. Alors Katy Perry, sur Fadjet, avec un inédit de son album Witness, c'est tout de suite. I live off the echoes of your I love yous, but I still feel the blows from all of your don't want tos. Yeah. Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Le 11 mars 1978, la France et le reste du monde apprenaient la tragique disparition de Claude François, l'idole des jeunes et surtout de millions de fans à travers toute la France. Claude François, c'est plus de 30 millions de disques vendus en 16 ans de carrière et tout autant de ventes post-mortem. Une icône, une idole. Les télévisions de France viennent de lui rendre hommage pour les 40 ans de sa disparition et je souhaitais moi aussi saluer ce grand monsieur qui a bercé toute mon enfance avec ses plus beaux titres dans des 45 tours que j'avais à la maison. Une bise à ma maman qui écoute l'émission et qui sans doute est l'une des plus grandes fans de Clo-Clo. Et tout comme les Magnolias, Claude François perdurera à jamais. Magnolia Forever, pour terminer comme il se doit cette émission. In the City sur Fadjet. Music at the City se termine avec Claude François et Magnolia Forever. On vous embrasse bien fort, monsieur Claude François. Je vous retrouve la semaine prochaine, nous serons le 2 avril pour une nouvelle émission. Quel artiste va démarrer ? Je pense que ce serait peut-être Katy Perry, mais on verra, hein, on verra tout ça. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission dès demain matin, 8h30 à peu près, c'est toujours à ce moment-ci que je le mets, sur le Facebook Fadjet-Music&City et également la rediffusion le samedi soir à 18h30. Je vous souhaite une très bonne semaine musicale, je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.